bop, diddy diddy diddy diddy wa doo wa, diddy wa doo wa, diddy wa doo wa, diddy wa doo wa. Votre intention, arrêter cette menace potentielle qui s'approche, qui pourrait tout faire sauter. Vous, votre unité et le parage. Quelle est l'efficacité de ces procédés? Derniers mois, les troupes américaines ont tué 2000 Irakiens à ces barrages. Seuls 60 d'entre eux étaient des rebelles. Aucun soldat américain n'a été jugé coupable pour ces incidents. We'll be right back.

Thank you.